ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée, moi je vais me cacher. Ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée, moi je vais me cacher. Je vais rester sous mes draps, papa ne me verra pas. Ou me glisser sous le lit, sans le dire à papy. Ou grimper dans le grenier, sans le dire à mémé. J'espère que les araignées ne vont pas me piquer. Ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée, allez je vais me cacher. Ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée, allez, je vais me cacher. Je vais aller dans le placard, et tant pis s'il fait noir. Enrouler dans le rideau, et tant pis s'il fait chaud. Enfermé dans les toilettes, c'est pas une bonne cachette. Ou alors tout simplement dans les bras de maman. Ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée, allez je vais me cacher. Ça y est, c'est la rentrée, mais j'ai pas envie d'y aller. Ça y est, c'est la rentrée. Est-ce que maman peut rester ?